posé vers Aubervilliers. En plein dans l'album, on y est. De toutes les couleurs, les billets. Elle a pleuré chez le bijoutier. Faut charbonner, faut pas roupiller. Dans la bouche, j'ai pas la cuillère. Je prends un gobelet comme cendrier. Y'a tous mes joints qui partent en cuillère. Ça fait l'album en tartine. Elle me fait trop la gadine. En restant, je fais des tours. Que je passe devant le four. Au feu rouge, ça veut faire la course. J'ai bloqué les vues du compteur tour. En restant, je fais des tours. Que je passe devant le four. Au feu rouge, ça veut faire la course. J'ai bloqué les vues du compteur tour. Son visage, il m'est familier. J'prends des abonnés par milliers. Ma daronne, c'est elle mon pilier. J'lui ai pris Haja dans l'immobilier. J'te rappelle après, j'suis qui est. J'ai loué la caisse, j'l'ai pillé. J'aime bien Miami, les palmiers. À la Montana, montagne de billets. Rappel, j'la regarde s'habiller. J'viens des quartiers chauds, j'suis grillé.